Chapitre 14. À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle façon qu'un grand nombre de Juifs et de non-Juifs devinrent croyants. Mais les Juifs qui refusaient de croire excitèrent les non-Juifs et les amenèrent à penser du mal des frères. Paul et Barnabas restèrent longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, pleins de confiance dans le Seigneur. Celui-ci montrait que ce qu'il prêchait sur sa grâce était vrai, en leur donnant le pouvoir d'accomplir des signes et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Les Juifs et les non-Juifs, avec leurs chefs, se préparaient à maltraiter Paul et Barnabas et à les tuer à coups de pierre. Dès que les deux hommes s'en aperçurent, ils s'enfuirent vers Lystre et Derbe, ville de la Lycaonie et leurs environs. Ils se mirent à y annoncer la bonne nouvelle. À Lystre, il y avait un homme qui se tenait assis, car ses pieds étaient paralysés. Il était infirme depuis sa naissance et n'avait jamais pu marcher. Il écoutait ce que Paul disait. Paul fixa les yeux sur lui et vit qu'il avait la foi pour être guéri. Il lui dit alors d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme sauta sur ses pieds et se mit à marcher. Quand la foule vit ce que Paul avait fait, elle s'écria dans la langue du pays, le lycaonien, « Les dieux ont pris une forme humaine et sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que Paul était le porte-parole. Le prêtre du dieu Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux ornés de guirlandes de fleurs devant les portes. Il voulait, ainsi que la foule, offrir un sacrifice à Barnabas et Paul. Mais quand les deux apôtres l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant « Amis, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes semblables à vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle en vous appelant à abandonner ces idoles inutiles et à vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les temps passés, il a laissé toutes les nations suivre leur propre chemin. Pourtant, il s'est toujours manifesté par le bien qu'il fait. Du ciel, il vous donne les pluies et les récoltes en leur saison. Il vous accorde la nourriture et remplit votre cœur de joie. » Même en parlant ainsi, les apôtres eurent de la peine à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Des Juifs vinrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils gagnèrent la confiance de la foule, jetèrent des pierres contre Paul pour le tuer, puis le traînèrent hors de la ville, car ils pensaient qu'il était mort. Mais quand les croyants s'assemblèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbe. Paul et Barnabas annoncèrent la bonne nouvelle dans la ville de Derbe, où ils firent beaucoup de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils fortifiaient le cœur des croyants, les encourageaient à demeurer fermes dans la foi et leur disaient « Nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. » Dans chaque église, ils leur désignèrent des anciens et, après avoir jeûné et prié, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils traversèrent ensuite la région de Pisidie et arrivèrent en Pamphylie. Ils annoncèrent la parole de Dieu à Perge, puis se rendirent à Attalie. De là, ils partirent en bateau pour Antioche, la ville où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient maintenant accomplie. Quand ils arrivèrent à Antioche, ils réunirent les membres de l'Église et leur racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte aux non-juifs pour qu'ils puissent croire eux aussi. Ils restèrent là assez longtemps avec les croyants. Chapitre 15. Quelques hommes vinrent de Judée à Antioche et se mirent à donner aux frères cet enseignement. « Vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire comme la loi de Moïse l'ordonne. » Paul et Barnabas les désapprouvèrent et eurent une violente discussion avec eux à ce sujet. On décida alors que Paul, Barnabas et quelques autres personnes d'Antioche iraient à Jérusalem pour parler de cette affaire avec les apôtres et les anciens. L'Église les envoya donc pour ce voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant comment les non-juifs s'étaient tournés vers Dieu. Cette nouvelle causait une grande joie à tous les frères. Quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils leur racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Mais quelques membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus croyants, se levèrent et dirent « Il faut circoncire les croyants non-juifs et leur commander d'obéir à la loi de Moïse. » Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Après une longue discussion, Pierre se leva et dit « Frères, vous savez que Dieu m'a choisi parmi vous il y a longtemps pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs, afin qu'ils l'entendent et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît le cœur des hommes, a montré qu'il les acceptait en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous. Il a purifié leur cœur parce qu'ils ont cru. Maintenant donc, pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve en voulant imposer aux croyants un fardeau que ni nos ancêtres ni nous-mêmes n'avons pu porter? Nous croyons au contraire que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus de la même manière qu'eux. » Alors toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les miracles que Dieu avait accomplis par eux au milieu des non-juifs. Quand ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit « Frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a pris soin dès le début de ceux qui ne sont pas juifs pour choisir parmi eux un peuple qui lui appartienne. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, car l'Écriture déclare « Après cela, je reviendrai, dit le Seigneur, et je reconstruirai la maison de David qui s'était écroulée, je relèverai ses ruines, et je la redresserai, afin que tous les autres hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations que j'ai appelées à être miennes. Voilà ce que dit le Seigneur, qui a fait connaître ces choses depuis très longtemps. » C'est pourquoi, ajouta Jacques, j'estime qu'on ne doit pas créer de difficultés à ceux non-juifs qui se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur pour leur demander de ne pas manger de viandes impures qui viennent de sacrifices offerts aux idoles, de se garder de l'immoralité et de ne pas manger de la chair d'animaux étouffés ni de sang. Car depuis les temps anciens, des hommes prêchent la loi de Moïse dans chaque ville et on la lit dans les synagogues tous les jours de sabbat. Alors les apôtres, les anciens, avec toute l'Église, décidèrent de choisir quelques-uns d'entre eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils choisirent Jude, appelé Barsabbas, et Silas, tous deux des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Ils les chargèrent de porter la lettre suivante. Les apôtres et les anciens, vos frères, adressent leurs salutations aux frères d'origine non-juive qui vivent à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Nous avons appris que des gens venus de chez nous vous ont troublés et inquiétés par leurs paroles. Nous ne leur avions donné aucun ordre à ce sujet. C'est pourquoi nous avons décidé à l'unanimité de choisir des délégués et de vous les envoyer. Ils accompagneront nos chers amis Barnabas et Paul, qui ont risqué leur vie au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous diront personnellement ce que nous écrivons ici. Car le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucun fardeau en dehors des devoirs suivants qui sont indispensables: ne pas manger de viande qui vienne de sacrifices offerts aux idoles, ne pas manger de sang, ne pas manger de la chair d'animaux étouffés, vous garder de l'immoralité. Vous agirez bien en évitant tout cela. Bien fraternellement à vous. » On laissa alors partir les délégués, et ils se rendirent à Antioche. Ils y réunirent tout le groupe des croyants, et leur remirent la lettre. On en fit la lecture, et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, parlèrent longuement aux frères pour les encourager et les fortifier. Ils passèrent quelque temps à cet endroit, puis les frères leur souhaitèrent un paisible voyage, et les laissèrent retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Mais Silas décida de rester là. Cependant, Paul et Barnabas restèrent à Antioche. Avec beaucoup d'autres, ils enseignaient et prêchaient la parole du Seigneur. Quelque temps après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas l'emmener parce qu'il les avait quittés en Pamphylie et ne les avait plus accompagnés dans leur travail. Ils eurent une si vive discussion qu'ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre, tandis que Paul choisit Silas et partit après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises dans la foi. Chapitre 16. Paul arriva à Derbe, puis à Lystre. Il y avait là un croyant appelé Timothée. Il était fils d'une juive devenue chrétienne, mais son père était grec. Les frères qui vivaient à Lystre et à Iconium en disaient beaucoup de bien. Paul désira l'avoir comme compagnon et le prit avec lui. Il le circoncit à cause des juifs qui se trouvaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils communiquaient aux croyants les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem et leur demandaient d'obéir à ces décisions. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, de sorte qu'ils traversèrent la région de Phrygie et de Galatie. Quand ils arrivèrent près de la Mysie, ils essayèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et se rendirent au port de Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un homme de Macédoine, debout, qui lui adressait cette prière. « Passe en Macédoine et viens nous aider. » Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions certains que Dieu nous avait appelés à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. Nous avons embarqué à Troas, d'où nous nous sommes rendus directement à l'île de Samothrace, puis le lendemain à Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, ville du premier district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière pour les Juifs. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui s'étaient assemblées là. L'une de ces femmes s'appelait Lydie. Elle venait de la ville de Thyatire, était marchande d'étoffes précieuses de couleur rouge et adorait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée ainsi que sa famille. Puis elle nous invita en disant « Si vous estimez que je crois vraiment au Seigneur, venez demeurer chez moi. » Et elle nous obligea à accepter. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit mauvais qui la poussait à prédire l'avenir, et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres en faisant des prédictions. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. » Elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. Quand les maîtres de la servante virent qu'ils ne pouvaient plus espérer gagner de l'argent grâce à elle, ils saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les autorités. Ils les amenèrent aux fonctionnaires romains et dirent « Ces hommes créent du désordre dans notre ville. Ils sont juifs et enseignent des coutumes que notre loi nous interdit à nous qui sommes romains d'accepter ou de pratiquer. » La foule se tourna aussi contre eux. Les fonctionnaires firent arracher les vêtements de Paul et Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda au gardien de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla. Lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces : « Ne te fais pas de mal, Nous sommes tous ici. » Alors le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule et, tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le gardien les prit avec lui à cette heure même de la nuit et lava leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé ainsi que tous les siens. Il fit monter Paul et Silas dans sa maison et leur offrit à manger. Cet homme et toute sa famille furent remplis de joie parce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les fonctionnaires romains envoyèrent dire au gardien « Relâche ces gens !» Le gardien vint l'annoncer à Paul en disant « Les autorités ont envoyé l'ordre de vous relâcher. Vous pouvez donc sortir et vous en aller en paix. » Mais Paul dit aux agents « Ils nous ont fait battre en public, sans que nous ayons été jugés régulièrement, nous qui sommes citoyens romains. Puis ils nous ont jetés en prison. Et maintenant ils veulent nous faire sortir en cachette. Eh bien non, qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. » Les agents rapportèrent ces paroles aux fonctionnaires romains. Ceux-ci furent effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient citoyens romains. Ils vinrent donc leur présenter des excuses, puis ils les firent sortir de prison et les prièrent de quitter la ville. Quand Paul et Silas furent hors de la prison, ils se rendirent chez Lydie. Après avoir vu les frères et les avoir encouragés, ils partirent. Chapitre 17. Ils passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où il y avait une synagogue des Juifs. Selon son habitude, Paul alla dans la synagogue. Durant 3 jours de sabbat successifs, il discuta des Écritures avec les gens qui étaient là. Il les leur expliquait et montrait que d'après elles, le Messie devait souffrir et être ressuscité. « Ce Jésus que je vous annonce, leur disait-il, c'est lui le Messie. » Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas. C'est ce que firent aussi un grand nombre de Grecs qui adoraient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Mais les Juifs furent remplis de jalousie. Ils réunirent quelques vauriens trouvés dans les rues, créèrent de l'agitation dans la foule et des troubles dans la ville. Ils survinrent dans la maison de Jason et y cherchaient Paul et Silas pour les amener devant le peuple. Comme ils ne les trouvèrent pas, ils traînèrent Jason et quelques autres frères devant les autorités de la ville et se mirent à crier « Ces hommes ont troublé le monde entier et maintenant ils sont arrivés ici. Jason les a reçus chez lui. Tous ces gens agissent d'une façon contraire aux lois de l'empereur, car ils déclarent qu'il y a un autre roi appelé Jésus. » Ces paroles excitèrent la foule et les autorités de la ville. Jason et les autres durent payer une caution aux autorités qui les relâchèrent ensuite. Dès que la nuit fut venue, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Quand ils y arrivèrent, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Un grand nombre d'entre eux crurent, et parmi les Grecs, beaucoup de femmes de la bonne société et beaucoup d'hommes crurent aussi. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu à Bérée également, ils y vinrent et se mirent à agiter et exciter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul en direction de la mer. Mais Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui conduisaient Paul le menèrent jusqu'à Athènes. Puis ils retournèrent à Bérée avec les instructions de Paul pour Silas et Timothée. Il leur demandait de le rejoindre le plus tôt possible. Pendant que Paul attendait Silas et Timothée à Athènes, il était profondément indigné de voir à quel point cette ville était pleine d'idoles. Il discutait dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui adoraient Dieu, et sur la place publique chaque jour, avec les gens qu'il pouvait y rencontrer. Quelques maîtres épicuriens et stoïciens se mirent aussi à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce bavard ?» Il semble annoncer des dieux étrangers, déclaraient d'autres, en entendant Paul prêcher Jésus et la résurrection. Ils le prirent alors avec eux, le menèrent devant le conseil de l'Aréopage et lui dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ? Car tu nous fais entendre des choses étranges, et nous aimerions savoir ce qu'elles signifient. » Tous les Athéniens, en effet, les étrangers qui vivaient parmi eux, passaient leur temps uniquement à dire ou écouter les dernières nouveautés. Paul se tint alors debout au milieu de l'Aréopage et dit « Athéniens, je constate que vous êtes des hommes très religieux à tout point de vue. En effet, comme je parcourais votre ville et regardais les monuments qui servent à vos cultes, j'ai trouvé même un autel sur lequel il est écrit « À un Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin non plus que les hommes s'occupent de lui fournir quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous les hommes la vie, le souffle et toute chose. Il a créé, à partir d'un seul homme, tous les peuples et les a établis sur toute la terre. Il a fixé par avance les temps précis et les limites des régions qu'il devait habiter. Il a fait cela pour qu'il le cherche et qu'en essayant d'entrer en contact avec lui, il le trouve peut-être. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, nous pouvons nous mouvoir et nous sommes. C'est bien ce que certains de vos poètes ont également affirmé. Nous sommes aussi ses enfants. Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or, d'argent ou de pierre, produite par l'art et l'imagination de l'homme. Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes étaient ignorants, mais il appelle maintenant tous les hommes en tout lieu à changer de vie. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice, par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en ressuscitant cet homme. Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui et les autres lui dirent « Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois. » C'est ainsi que Paul les quitta. Quelques-uns pourtant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, il y eut Denis, membre du conseil de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres encore. Chapitre 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y rencontra un juif appelé Aquilas, né dans la province du Pont. Il venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que l'empereur Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Paul alla les trouver, et comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des tentes, il demeura chez eux et ils travaillèrent ensemble. Chaque jour de sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul employa tout son temps à prêcher en affirmant aux Juifs que Jésus était le Messie. Mais comme les Juifs s'opposaient à lui et l'insultaient, il secoua contre eux la poussière de ses vêtements et leur dit « Si vous êtes perdus, ce sera par votre propre faute. Je n'en suis pas responsable. Dès maintenant, j'irai vers ceux qui ne sont pas Juifs. » Il partit alors de là et se rendit chez un homme appelé Titius Justus, qui adorait Dieu et dont la maison était à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui entendaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Une nuit, Paul eut une vision dans laquelle le Seigneur lui dit « N'aie pas peur, mais continue à parler. Ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne pourra te saisir pour te faire du mal, parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville. » Paul demeura un an et demi à Corinthe. Il y enseignait aux gens la parole de Dieu. À l'époque où Gallion était le gouverneur romain de l'Achaïe, les Juifs s'unirent contre Paul. Ils l'amenèrent devant le tribunal et déclarèrent « Cet homme cherche à persuader les gens d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. » Paul allait se mettre à parler quand Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait d'un crime ou d'une faute grave, je prendrais naturellement le temps de vous écouter, aux Juifs. Mais puisqu'il s'agit de discussions sur des mots, sur des noms et sur votre propre loi, c'est à vous de vous en occuper. Je refuse d'être juge de telles affaires. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le battre devant le tribunal. Mais Gallion ne s'en souciait pas. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Puis il quitta les frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Avant de s'embarquer, il s'était fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, où Paul laissa Aquilas et Priscille. Il se rendit à la synagogue et y discuta avec les Juifs. Ils lui demandèrent de rester plus longtemps, mais il ne le voulut pas. Il les quitta en disant « Je reviendrai vers vous si Dieu le veut ». Et il partit d'Éphèse en bateau. Quand il eut débarqué à Césarée, il se rendit à Jérusalem pour y saluer l'Église, puis il alla à Antioche. Après y avoir passé quelque temps, il repartit. Il traversa successivement la région de Galatie et la Phrygie, en fortifiant tous les disciples dans leur foi. Un juif nommé Apollos, né à Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme qui parlait avec éloquence et qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit dans le chemin du Seigneur, et plein d'enthousiasme, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Quand Priscille et Aquilas l'entendirent, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus exactement le chemin de Dieu. Ensuite, Apollos désira se rendre en Achaïe. Les frères l'y encouragèrent et écrivirent une lettre aux croyants de cette région pour qu'ils le reçoivent bien. Quand il fut arrivé là, il fut très utile à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu, car, avec des arguments solides, il démontrait publiquement aux Juifs qu'ils étaient dans l'erreur. Il leur prouvait par les Écritures que Jésus est le Messie. Chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversa les hautes régions du pays et arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Paul leur demanda alors « Quel baptême avez-vous donc reçu ?»« Le baptême de Jean, » répondirent-ils. Paul leur dit « Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de vie, et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul posa les mains sur eux, et le Saint-Esprit leur fut accordé. Ils se mirent à parler avec des mots étranges et à donner des messages reçus de Dieu. Ces hommes étaient environ 12 en tout. Paul se rendit à la synagogue, et pendant 3 mois, il y parla avec assurance. Il prêchait ce qui concerne le royaume de Dieu et cherchait à convaincre ses auditeurs. Mais plusieurs s'entêtaient, refusaient de croire, et parlait avec mépris du chemin du Seigneur devant l'assemblée. Alors Paul les quitta, emmena les disciples avec lui, et prêcha tous les jours dans l'école de Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui vivaient dans la province d'Asie, les Juifs et les non-Juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par Paul. C'est ainsi qu'on apportait aux malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Ils étaient alors délivrés de leur maladie, et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques Juifs qui allaient d'un endroit à l'autre et chassaient les esprits mauvais hors des malades, essayèrent aussi d'utiliser le nom de Jésus pour les faire sortir. Ils disaient aux esprits mauvais, « Je vous ordonne de sortir au nom de ce Jésus que Paul prêche. » Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un grand prêtre juif, nommé Séva. Mais l'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus. » Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme qui avait en lui l'esprit mauvais se jeta sur eux et se montra plus fort qu'eux tous. Il les maltraita avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de sa maison nus et blessés. Tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs, apprirent ce fait. Ils furent tous saisis de crainte, et l'on éprouva un grand respect pour le nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On calcula la valeur de ces livres et l'on trouva qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait avec puissance et démontrait sa force. Après ces événements, Paul décida de traverser la Macédoine et l'Achaïe et de se rendre à Jérusalem. « Lorsque j'y serai allé, disait-il, il faudra aussi que je voie Rome. » Il envoya alors en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste, mais resta lui-même quelque temps encore dans la province d'Asie. À cette époque se produisirent de graves troubles à cause du chemin du Seigneur. Un bijoutier nommé Démétrius fabriquait de petites copies en argent du temple de la déesse Artémis et procurait ainsi des gains importants aux ouvriers. Il réunit ces derniers ainsi que ceux qui avaient un métier semblable et leur dit « Messieurs, vous savez que notre prospérité est due à ce travail. Mais vous voyez et entendez ce que fait cet homme, Paul. Il déclare en effet que les dieux faits par les hommes ne sont pas des dieux. Et il a réussi à persuader beaucoup de monde, non seulement ici à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. Cela risque non seulement de causer du tort à notre métier, mais aussi de faire perdre toute sa réputation au temple de la grande déesse Artémis. Et alors elle sera privée de sa grandeur, cette déesse qu'adorent tous les habitants de la province d'Asie et du monde entier. » Quand ils entendirent ces paroles, les auditeurs furent remplis de colère et se mirent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» L'agitation se répandit dans la ville entière. Les gens entraînèrent avec eux Gaius et Aristarque, deux Macédoniens qui étaient les compagnons de voyage de Paul, et se précipitèrent en masse au théâtre. Paul voulait se présenter devant la foule, mais les croyants l'en empêchèrent. Quelques fonctionnaires de la province d'Asie, qui étaient ses amis, lui envoyèrent même un message pour le prier de ne pas se rendre au théâtre. Pendant ce temps, l'assemblée était en pleine confusion. Les uns criaient une chose, les autres une autre, et la plupart d'entre eux ne savaient même pas pourquoi on s'était réunis. Quelques personnes de la foule expliquèrent l'affaire à Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Alexandre fit alors un signe de la main et voulut faire un discours pour les défendre devant la foule. Mais quand ils eurent reconnu qu'il était juif, ils crièrent tous ensemble les mêmes mots pendant près de 2 heures. « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Enfin, le secrétaire de la ville réussit à calmer la foule et dit « Éphésiens, tout le monde sait que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de son image tombée du ciel. Personne ne peut le nier. Par conséquent, vous devez vous calmer et ne rien faire d'irréfléchi. Vous avez amené ici ces hommes qui n'ont pourtant pas pillé de temple et n'ont pas parlé contre notre déesse. Si Démétrius et ses ouvriers ont une accusation à porter contre quelqu'un, il y a des jours où l'on rend la justice et il y a des autorités. Voilà où ils doivent porter plainte. Si vous avez encore une réclamation à présenter, on la réglera dans l'assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de révolte à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il n'y a aucune raison qui justifie un tel rassemblement et nous serions incapables d'en donner une explication suffisante. » Après avoir dit ces mots, il renvoya l'assemblée. Chapitre 20. Lorsque les troubles à Éphèse eurent cessé, Paul réunit les croyants et leur adressa des encouragements, puis il leur fit ses adieux et partit pour la Macédoine. Il traversa cette région et y encouragea les fidèles par de nombreuses prédications. Il se rendit ensuite en Grèce, où il resta 3 mois. Il allait s'embarquer pour la Syrie quand il apprit que les Juifs formaient un complot contre lui. Il décida alors de s'en retourner par la Macédoine. Sopater, fils de Pyrrhus, de la ville de Bérée, l'accompagnait, ainsi qu'Aristarque et Secundus, de Thessalonique, Gaius de Derbe, et Timothée, Tichique et Trophime, de la province d'Asie. Ceux-ci partirent en avant et nous attendirent à Troas. Nous-mêmes, nous nous sommes embarqués à Philippe après la fête des pains sans levain, et 5 jours plus tard, nous les avons rejoints à Troas, où nous avons passé une semaine. Le samedi soir, nous étions réunis pour prendre le repas de la communion, et Paul parlait à l'assemblée. Comme il devait partir le lendemain, il continua à prêcher jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre où nous étions réunis en haut de la maison. Un jeune homme, appelé Eutyche, était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'endormit profondément pendant la longue prédication de Paul. Son sommeil était tel qu'il fut entraîné dans le vide et tomba du 3e étage. On le releva, mais il était mort. Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Soyez sans inquiétude, il est vivant. » Puis il remonta, rompit le pain et mangea. Après avoir parlé encore longtemps jusqu'au lever du soleil, il partit. On emmena le jeune homme vivant et ce fut un grand réconfort pour tous. Nous sommes partis en avant pour embarquer sur le bateau qui nous transporta à Assos, où nous devions prendre Paul à bord. C'est ce qu'il avait décidé car il voulait s'y rendre par la route. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous l'avons pris à bord et sommes allés à Mytilène. Nous sommes repartis de là et sommes arrivés le lendemain devant Chio. Le jour suivant, nous parvenions à Samos, et le jour d'après, nous abordions à Milet. Paul, en effet, avait décidé de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps dans la province d'Asie. Il se hâtait pour être si possible à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Paul envoya un message de Milet à Éphèse pour en faire venir les anciens de l'Église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit « Vous savez comment je me suis comporté durant tout le temps que j'ai été avec vous, depuis le premier jour où je suis venu dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec les chagrins et les peines que j'ai connues à cause des complots des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui devait vous être utile. Je vous ai tout annoncé et enseigné en public et dans vos maisons. J'ai appelé les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs à changer de vie en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, je vais à Jérusalem, comme le Saint-Esprit m'oblige à le faire, sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que dans chaque ville, le Saint-Esprit m'avertit que la prison et les souffrances m'attendent. Mais j'estime que ma vie n'a pas de valeur pour moi, pourvu que je puisse aller jusqu'au bout de ma mission et achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. J'ai passé au milieu de vous tous en prêchant le royaume de Dieu, mais je sais maintenant qu'aucun de vous ne me verra plus. C'est pourquoi je vous le déclare aujourd'hui, si l'un de vous se perd, je n'en suis pas responsable. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien vous en cacher. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde. Prenez soin de l'Église de Dieu, cette Église qu'il s'est acquise par la mort de son propre Fils. Je sais qu'après mon départ, des hommes pareils à des loups redoutables viendront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. Et même du milieu de vous, des hommes se lèveront pour dire des mensonges et entraîner ainsi les croyants à leur suite. Veillez donc, et souvenez-vous que pendant 3 ans, le jour et la nuit, je n'ai cessé d'avertir chacun de vous avec des larmes. Et maintenant, je vous remets à Dieu et au message de sa grâce. Il a le pouvoir de vous fortifier et de vous accorder les biens qu'il réserve comme un héritage pour tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que j'ai travaillé de mes propres mains pour gagner ce qui nous était nécessaire, à mes compagnons et à moi. Je vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux pauvres, en nous souvenant des paroles que le Seigneur Jésus lui-même a dites, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, Paul se mit à genoux avec eux tous et pria. Tous pleuraient et serraient Paul dans leurs bras pour lui donner le baiser d'adieu. Ils étaient surtout attristés parce qu'il avait dit qu'il ne les reverrait plus. Puis, ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Chapitres 21 et 22. Après nous être séparés d'eux, nous sommes partis en bateau et sommes allés directement à Kos. Le lendemain, nous sommes arrivés à Rhodes, et de là, nous nous sommes rendus à Patara. Nous y avons trouvé un bateau qui allait en Phénicie. Nous nous sommes alors embarqués et sommes partis. Nous sommes arrivés près de Chypre, que l'on pouvait apercevoir du bateau, et avons passé au sud de cette île pour naviguer vers la Syrie. Nous avons abordé à Tyr, où le bateau devait décharger sa cargaison. Nous y avons trouvé des croyants, et sommes restés une semaine avec eux. Avertis par le Saint-Esprit, ils disaient à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Mais au terme de cette semaine passée avec eux, nous sommes partis pour continuer notre voyage. Ils nous accompagnèrent tous, avec leurs femmes et leurs enfants, jusqu'en dehors de la ville. Nous nous sommes mis à genoux au bord de la mer et avons prié. Puis, après nous être dit adieu les uns aux autres, nous sommes montés à bord du bateau, tandis qu'ils retournaient chez eux. Nous avons achevé notre voyage sur mer en allant de Tyr à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et où nous sommes restés un jour avec eux. Le lendemain, nous sommes repartis et nous sommes arrivés à Césarée. Là, nous sommes entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, et avons logé chez lui. C'était l'un des sept hommes qu'on avait choisis à Jérusalem. Il avait quatre filles non mariées qui donnaient des messages reçus de Dieu. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'arriva de Judée un prophète nommé Agabus. Il vint à nous, prit la ceinture de Paul, s'en servit pour se lier les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture sera ainsi lié par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront aux étrangers. » Après avoir entendu ces mots, nous-mêmes et ceux de Césarée avons supplié Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Mais il a répondu « Pourquoi pleurez-vous et cherchez-vous à briser mon courage? Je suis prêt, moi, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour la cause du Seigneur Jésus. » Comme nous ne pouvions pas le persuader, nous avons cessé de le supplier et avons dit « Que la volonté du Seigneur se fasse. » Après quelques jours passés là, nous nous sommes préparés et sommes partis pour Jérusalem. Des disciples de Césarée nous accompagnèrent et nous conduisirent chez un homme qui devait nous loger, un certain Menasson de Chypre, qui était croyant depuis longtemps. Lorsque nous sommes arrivés à Jérusalem, les frères nous ont reçus avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, où tous les anciens de l'Église se réunirent. Paul les salua et leur raconta en détail tout ce que Dieu avait accompli par son travail au milieu de ceux qui n'étaient pas juifs. Après l'avoir entendu, ils louèrent Dieu. Puis ils dirent à Paul, « Tu vois, frère, combien de milliers de juifs sont devenus des croyants. Ils sont tous très attachés à la loi. On leur a déclaré que tu enseignes à tous les juifs qui vivent au milieu d'autres peuples à se détourner de la loi de Moïse, et que tu leur dis de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes juives. Que faire? Car ils vont certainement apprendre que tu es arrivé. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici quatre hommes qui ont fait un vœu. Emmène-les, participe avec eux à la cérémonie de purification et paie leurs dépenses pour qu'ils puissent se faire raser la tête. Ainsi tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on a raconté à ton sujet, mais que toi aussi tu vis dans l'obéissance à la loi de Moïse. Quant aux non-juifs qui sont devenus chrétiens, nous leur avons écrit pour leur dire ce que nous avons décidé. Ils ne doivent manger ni viande qui vienne de sacrifices offerts aux idoles, ni sang ni chair d'animaux étouffés, et ils doivent se garder de l'immoralité. Alors Paul emmena ces quatre hommes, et le lendemain participa avec eux à la cérémonie de purification. Il se rendit ensuite dans le temple, et annonça à quel moment les jours de la purification seraient achevés, c'est-à-dire à quel moment on pourrait offrir le sacrifice pour chacun d'eux. Les sept jours allaient s'achever quand des Juifs de la province d'Asie virent Paul dans le temple. Ils excitèrent toute la foule et se saisirent de lui en criant « Homme d'Israël, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tous contre le peuple d'Israël, contre la loi de Moïse et contre ce temple. Et maintenant il a même introduit des non-juifs dans le temple et ainsi rendu impur ce saint lieu. » Ils disaient cela parce qu'ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec Paul dans la ville. Ils pensaient que Paul l'avait introduit dans le temple. L'agitation se répandit dans la ville entière, et le peuple accourut de tous côtés. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont ils fermèrent aussitôt les portes. Ils cherchaient à tuer Paul, quand on vint annoncer au commandant du bataillon romain que tout Jérusalem s'agitait. Immédiatement, il prit avec lui des officiers et des soldats, et courut vers la foule. Quand ils virent le commandant et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le commandant s'approcha de Paul, le fit arrêter, et ordonna de le lier avec deux chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient une chose, les autres en criaient une autre. Comme le commandant ne pouvait rien apprendre de précis au milieu de ce désordre, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse. Au moment où Paul arriva avec eux à l'escalier, les soldats durent le porter à cause de la violence de la foule, car tous le suivaient en criant « À mort !» Comme on allait faire entrer Paul dans la forteresse, il dit au commandant, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?»« Tu sais parler grec ?» lui demanda le commandant. « Tu n'es donc pas cet Égyptien qui récemment a provoqué une révolte et emmené au désert 4000 terroristes ?» Paul répondit, « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville importante. Permets-moi, je t'en prie, de parler au peuple. » Le commandant le lui permit. Paul se tint alors sur l'escalier et fit au peuple un signe de la main. Quand ils furent silencieux, Paul leur adressa la parole en araméen. Je retournai à Jérusalem, et comme je priais dans le temple, j'eus une vision. Je vis le Seigneur, et il me dit, « Hâte-toi, sors vite de Jérusalem, car ses habitants n'accepteront pas ce que tu affirmes à mon sujet. » Seigneur, répondis-je, ils savent bien que j'allais dans les synagogues et que je jetais en prison et faisais battre ceux qui croient en toi. Et lorsqu'on mit à mort Étienne, ton témoin, j'étais là moi aussi. J'ai approuvé ceux qui le tuaient et j'ai gardé leurs vêtements. Le Seigneur me dit alors, va, car je t'enverrai au loin vers ceux qui ne sont pas juifs. La foule écouta Paul jusqu'au moment où il dit ces mots. Mais alors ils se mirent à crier, « Faites disparaître cet homme. À mort, il n'est pas digne de vivre. » Ils hurlaient, agitaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air. Le commandant romain ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse et de le battre à coups de fouet pour l'obliger à parler, afin de savoir pour quelle raison la foule criait ainsi contre lui. Mais quand on l'eut attaché pour le fouetter, Paul dit à l'officier qui était là, « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain qui n'a même pas été jugé ?» Après avoir entendu ces mots, l'officier alla avertir le commandant. « Que vas-tu faire ?» lui dit-il. « Cet homme est citoyen romain. » Le commandant vint auprès de Paul et lui demanda, « Dis-moi, es-tu citoyen romain ?»« Oui, » répondit Paul. Le commandant dit alors, « J'ai payé une grosse somme d'argent pour devenir citoyen romain. » « Et moi, » répondit Paul, « je le suis de naissance. » Aussitôt, ceux qui allaient le battre pour le faire parler s'éloignèrent de lui. Le commandant lui-même eut peur quand il se rendit compte que Paul était citoyen romain et qu'il l'avait fait lier avec des chaînes. Le commandant voulait savoir de façon précise de quoi les Juifs accusaient Paul. C'est pourquoi, le lendemain, il le fit délier de ses chaînes et ordonna au chef des prêtres et à tout le conseil supérieur de se réunir. Puis il amena Paul et le plaça devant eux. Chapitre 23. Paul fixa les yeux sur les membres du conseil et dit, « Frères, c'est avec une conscience tout à fait tranquille que j'ai vécu devant Dieu jusqu'à ce jour. » Le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de Paul de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « C'est Dieu qui te frappera, espèce de mur blanchi. Tu es assis là pour me juger selon la loi, et contrairement à la loi, tu ordonnes de me frapper. » Ceux qui étaient près de Paul lui dirent, « Tu insultes le grand prêtre de Dieu. » Paul répondit, « Je ne savais pas, frère, que c'était le grand prêtre. En effet, l'Écriture déclare, « Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. » Paul savait que les membres du conseil étaient en partie des Sadducéens et en partie des pharisiens. C'est pourquoi il s'écria devant eux, « Frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est parce que j'espère en la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit ces mots, les pharisiens et les sadducéens se mirent à se disputer, et l'assemblée se divisa. Les sadducéens disent en effet que les morts ne ressusciteront pas, et qu'il n'y a ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens croient en tout cela. On criait de plus en plus fort, et quelques maîtres de la loi, membres du parti des pharisiens, se levèrent et protestèrent vivement en disant, « Nous ne trouvons rien de mal en cet homme. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. » La dispute devint si violente que le commandant eut peur qu'il ne mette Paul en pièces. C'est pourquoi il ordonna à ses soldats de descendre dans l'assemblée pour enlever Paul du milieu d'eux et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit, « Courage, tu as rendu témoignage de moi ici à Jérusalem, et il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Le lendemain matin, les Juifs formèrent un complot. Ils s'engagèrent, avec serment, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui avaient formé ce complot étaient plus de 40. Ils allèrent trouver les chefs des prêtres et les anciens et leur dirent « Nous nous sommes engagés par un serment solennel à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, et tout le conseil supérieur, demandez maintenant au commandant qu'il vous amène Paul, en prétendant que vous désirez examiner son cas plus exactement. Nous-mêmes, nous nous tenons prêts à le faire mourir avant qu'il arrive ici. » Mais le fils de la sœur de Paul entendit parler de ce complot. Il se rendit à la forteresse, y entra et avertit Paul. Alors Paul appela l'un des officiers et lui dit « Conduis ce jeune homme au commandant, car il a quelque chose à lui dire. » L'officier l'emmena avec lui, le conduisit au commandant et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé et m'a demandé de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le commandant prit le jeune homme par la main, se retira seul avec lui et lui demanda « Qu'as-tu à me dire ?» Les Juifs, répondit-il, se sont mis d'accord pour te demander d'amener Paul demain devant le conseil supérieur, en prétendant que le conseil désire examiner son cas plus exactement, mais ne les crois pas, car plus de 40 d'entre eux vont se cacher pour s'emparer de lui. Ils se sont engagés par serment à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Ils sont prêts maintenant et n'attendent plus que ta réponse. » Après avoir recommandé au jeune homme de ne dire à personne ce qu'il lui avait raconté, le commandant le renvoya. Ensuite, le commandant appela deux de ses officiers et leur dit « Rassemblez 200 soldats, ainsi que 70 cavaliers et 200 hommes armés de lances, et soyez tous prêts à partir pour Césarée à 9 h du soir. Préparez aussi des chevaux pour transporter Paul et le mener sain et sauf au gouverneur Félix. » Et il écrivit la lettre suivante. « Claude Lysias adresse ses salutations à son Excellence le gouverneur Félix. Les Juifs s'étaient emparés de cet homme et allaient le tuer quand j'ai appris qu'il était citoyen romain. Je suis alors intervenu avec mes soldats et l'ai délivré. Comme je voulais savoir de quoi les Juifs l'accusaient, je l'ai amené devant leur conseil supérieur. J'ai découvert qu'ils l'accusaient à propos de questions relatives à leur propre loi, mais qu'on ne pouvait lui reprocher aucune faute pour laquelle il aurait mérité de mourir ou d'être mis en prison. Puis, lorsque j'ai été averti que les Juifs formaient un complot contre lui, je te l'ai aussitôt envoyé et j'ai demandé à ses accusateurs de porter leur plainte contre lui devant toi. » Les soldats exécutèrent les ordres qu'ils avaient reçus. Ils prirent Paul et le menèrent cette nuit-là jusqu'à Antipatris. Le lendemain, les soldats qui étaient à pied retournèrent à la forteresse et laissèrent les cavaliers continuer le voyage avec Paul. Dès qu'ils furent arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui livrèrent Paul. Le gouverneur lut la lettre et demanda à Paul de quelle province il était. Après avoir appris qu'il était de Cilicie, il lui dit « Je t'interrogerai quand tes accusateurs seront arrivés. » Et il donna l'ordre de garder Paul dans le palais d'Hérode. Chapitre 24. 5 jours après, le grand prêtre Ananias arriva à Césarée avec quelques anciens et un avocat appelé Tertullus. Ils se présentèrent devant le gouverneur Félix pour déposer leur plainte contre Paul. Celui-ci fut appelé et Tertullus se mit à l'accuser en ces mots. « Excellence, grâce à toi nous jouissons d'une paix complète, et c'est bien à ton administration compétente que nous devons les réformes effectuées pour le bien de cette nation. Pour tout ce que nous recevons ainsi en tout temps et partout, nous te sommes très reconnaissants. Mais je ne veux pas te prendre trop de temps, c'est pourquoi je te prie d'avoir la bonté de nous écouter un instant. Nous nous sommes aperçus que cet homme est un personnage extrêmement nuisible. Il provoque du désordre chez tous les Juifs du monde entier, et c'est le chef du parti des Nazaréens. Il a même essayé de porter atteinte à la sainteté du Temple, et nous l'avons alors arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le commandant Lysias est intervenu, et avec une grande violence l'a pris de nos mains. Puis Lysias a ordonné à ses accusateurs de venir devant toi. Si tu interroges cet homme, tu pourras toi-même te rendre compte de la vérité de tout ce dont nous l'accusons. » Les Juifs appuyèrent l'accusation et déclarèrent que c'était exact. Le gouverneur fit alors signe à Paul de parler, et Paul déclara « Je sais que tu es juge de cette nation depuis de nombreuses années. C'est donc avec confiance que je présente ma défense devant toi. Comme tu peux le vérifier toi-même, Il n'y a pas plus de 12 jours que je suis arrivé à Jérusalem pour y adorer Dieu. On ne m'a pas trouvé en train de discuter dans le temple avec qui que ce soit, ni en train d'exciter la foule dans les synagogues ou ailleurs dans la ville. Et ces gens ne peuvent pas te prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Cependant, je reconnais ceci devant toi. Je sers le Dieu de nos ancêtres en suivant le chemin nouveau, qu'ils disent être faux. Mais je crois à tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et des prophètes. J'ai cette espérance en Dieu, espérance qu'ils ont eux-mêmes, que les hommes, les bons comme les méchants, ressusciteront. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir toujours la conscience nette devant Dieu et devant les hommes. Après avoir été absent de Jérusalem pendant plusieurs années, j'y suis revenu pour apporter de l'aide en argent à mon peuple et pour offrir des sacrifices à Dieu. Voilà à quoi j'étais occupé quand ils m'ont trouvé dans le temple. J'avais alors participé à la cérémonie de purification. Il n'y avait pas de foule avec moi, il n'y avait pas de désordre. Mais quelques juifs de la province d'Asie étaient là, et ce sont eux qui devraient être présents devant toi pour m'accuser s'ils ont quelque chose contre moi. Ou bien que ces gens ici disent de quel crime ils m'ont reconnu coupable lorsque je me tenais devant le conseil supérieur, en dehors de cette seule déclaration que j'ai faite à voix forte, debout devant eux, c'est parce que je crois en la résurrection des morts que je suis mis aujourd'hui en jugement devant vous. Félix, qui était bien renseigné au sujet du christianisme, renvoya à plus tard la suite du procès en leur disant « Quand le commandant Lysias viendra, je prendrai une décision sur votre affaire. » Il ordonna à l'officier responsable de Paul de le garder prisonnier, mais de lui laisser une certaine liberté et de permettre à ses amis de lui rendre des services. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive. Il envoya chercher Paul et écouta ce qu'il disait au sujet de la foi en Jésus-Christ. Mais comme Paul se mettait à parler de la manière juste de vivre, de la maîtrise de soi et du jugement qui doit venir, Félix prit peur et dit « Tu peux t'en aller maintenant. Quand j'aurai le temps, je te rappellerai. » Il espérait aussi que Paul lui donnerait de l'argent. C'est pourquoi il le faisait souvent venir pour causer avec lui. 2 années passèrent ainsi, puis Porcius Festus succéda à Félix comme gouverneur. Félix, qui voulait faire plaisir aux Juifs, laissa Paul en prison. Chapitre 25. 3 jours après son arrivée dans la province, Festus se rendit de Césarée à Jérusalem. Là, les chefs des prêtres et les Juifs les plus haut placés lui présentèrent leur plainte contre Paul. Ils demandèrent à Festus de leur accorder la faveur de faire venir Paul à Jérusalem, car ils avaient formé un complot contre lui et voulaient le tuer en chemin. Mais Festus répondit que Paul était en prison à Césarée et que lui-même allait bientôt repartir. Et il ajouta « Que vos chefs m'accompagnent à Césarée et qu'ils y accusent cet homme s'il a fait du mal. » Festus passa 8 à 10 jours seulement parmi eux, puis il retourna à Césarée. Le lendemain, il prit place au tribunal et donna l'ordre d'amener Paul. Quand Paul fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas capable de prouver. Mais Paul se défendit en disant « Je n'ai commis aucune faute contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur. » Festus, qui voulait faire plaisir aux Juifs, demanda alors à Paul « Veux-tu te rendre à Jérusalem pour y être jugé devant moi au sujet de cette affaire ?» Paul répondit « Je me tiens devant le tribunal de l'empereur, et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai rien fait de mal contre les Juifs, comme tu le sais très bien toi-même. Si je suis coupable, et si j'ai commis une action pour laquelle je mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de vrai dans les accusations qu'ils portent contre moi, personne ne peut me livrer à eux. J'en appelle à l'empereur. » Alors Festus, après avoir parlé avec ses conseillers, répondit « Tu en as appelé à l'empereur, tu iras donc devant l'empereur. » Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus présenta au roi le cas de Paul. « Il y a ici, lui dit-il, un homme que Félix a laissé prisonnier. Lorsque je suis allé à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui et m'ont demandé de le condamner. Je leur ai répondu que les Romains n'ont pas l'habitude de livrer un accusé avant qu'il se soit trouvé en face de ses accusateurs, et qu'il ait eu l'occasion de se défendre contre l'accusation. Ils sont alors venus ici avec moi. Je n'ai pas perdu de temps. Le lendemain, j'ai pris place au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Ses adversaires se sont présentés, mais ne l'ont accusé d'aucune des mauvaises actions que je pensais. Ils avaient seulement avec lui des discussions au sujet de leur propre religion et d'un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant. Je ne savais comment faire pour examiner de telles questions. C'est pourquoi j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé au sujet de cette affaire. Mais Paul a fait appel. Il a demandé à être gardé prisonnier, de façon à ce que l'empereur prenne une décision sur son cas. J'ai donc donné l'ordre de le garder, jusqu'à ce que je puisse l'envoyer à l'empereur. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais bien entendre moi-même cet homme. »« Demain tu l'entendras, » répondit Festus. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en cortège solennel et entrèrent dans la salle d'audience avec les chefs militaires et les principaux personnages de la ville. Festus donna un ordre et Paul fut amené. Puis Festus déclara, « Roi Agrippa et vous tous qui êtes ici avec nous, vous voyez cet homme au sujet de qui toute la foule des Juifs est venue se plaindre auprès de moi, aussi bien à Jérusalem qu'ici, en criant qu'il ne devait plus vivre. » Quant à moi, j'ai découvert qu'il n'a commis aucune action pour laquelle il mériterait de mourir. Cependant, comme lui-même en a appelé à l'empereur, j'ai décidé de l'envoyer à celui-ci. Je n'ai rien de précis à écrire à l'empereur sur son cas. C'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin que, lorsqu'il aura été interrogé, j'ai quelque chose à écrire. Il me semble absurde, en effet, d'envoyer un prisonnier sans indiquer clairement les accusations portées contre lui. Chapitre 26. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour te défendre. » Alors Paul étendit la main et présenta sa défense en ces mots. « Roi Agrippa, je m'estime heureux d'avoir aujourd'hui à me défendre devant toi de tout ce dont les Juifs m'accusent. Et cela en particulier parce que tu connais bien toutes les coutumes des Juifs et leurs sujets de discussion. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Tous les Juifs savent ce qu'a été ma vie dès ma jeunesse. Ils savent comment j'ai vécu depuis le début au milieu de mon peuple et à Jérusalem. Ils me connaissent depuis longtemps et peuvent donc affirmer, s'ils le veulent, que j'ai vécu en tant que membre du parti le plus strict de notre religion, celui des pharisiens. Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Les 12 tribus de notre peuple espèrent voir l'accomplissement de cette promesse en servant Dieu avec ardeur jour et nuit. Et c'est à cause de cette espérance, ô roi, que les Juifs m'accusent. Pourquoi estimez-vous incroyable, vous, Juifs, que Dieu ressuscite les morts? Moi-même, j'avais pensé devoir combattre par tous les moyens le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai reçu un pouvoir spécial des chefs des prêtres, et j'ai jeté en prison beaucoup de croyants. Et quand on les condamnait à mort, je donnais mon approbation. Souvent, je les faisais punir dans toutes les synagogues et voulais les obliger à renier leur foi. Ma fureur contre eux était telle que j'allais les persécuter jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi que je me rendis à Damas, avec le pouvoir et la mission que m'avaient confié les chefs des prêtres. Comme j'étais en route, à midi, je vis, ô roi, une lumière qui venait du ciel, plus éclatante que celle du soleil, et qui brillait autour de moi et de mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre, et j'entendis une voix qui me disait en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu te fais du mal en résistant comme le bœuf qui se revive contre la pointe du bâton de son maître. » Je demandai, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur me dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi et tiens-toi debout. Je te suis apparu pour faire de toi mon serviteur. Tu seras mon témoin pour dire aux autres comment tu m'as vu aujourd'hui et leur annoncer ce que je te ferai voir encore. Je te délivrerai du peuple juif et des autres peuples vers lesquels je vais t'envoyer. Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, afin qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une place parmi ceux qui appartiennent à Dieu. Et ainsi, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision qui m'est venue du ciel. Mais j'ai prêché d'abord aux habitants de Damas et de Jérusalem, puis à ceux de toute la contrée de Judée et aux membres des autres nations, en leur demandant de changer de vie, de se tourner vers Dieu et d'accomplir des actes qui montrent la réalité de ce changement. C'est pour cette raison que les Juifs m'ont saisi, alors que j'étais dans le temple, et ont essayé de me tuer. Mais Dieu m'a accordé sa protection jusqu'à ce jour, et je suis encore là pour apporter mon témoignage à tous, aux petits comme aux puissants. Je n'affirme rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie aurait à souffrir, qu'il serait le premier à ressusciter d'entre les morts, et qu'il annoncerait la lumière du salut à notre peuple et aux autres nations. Comme Paul présentait ainsi sa défense, Festus lui cria, « Tu es fou, Paul. Tu as tant étudié que cela te rend fou. » Paul lui répondit, « Je ne suis pas fou, Excellence. Les paroles que je prononce sont vraies et raisonnables. Le roi Agrippa est renseigné sur ces faits, et je peux donc en parler avec assurance devant lui. Je suis persuadé qu'il connaît chacun d'eux, car cela ne s'est pas passé en cachette dans un coin. Roi Agrippa, crois-tu à ce qu'ont dit les prophètes? Je sais que tu y crois. » Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit tôt ou tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces chaînes. » Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui se trouvaient avec eux se levèrent alors et, après s'être retirés, ils se dirent les uns aux autres, « Cet homme n'a commis aucune faute pour laquelle il mériterait de mourir ou d'être mis en prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait appelé à l'empereur. » Chapitre 27. Lorsqu'il fut décidé que nous partirions en bateau pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un officier appelé Julius, du bataillon romain dit « bataillon de l'empereur ». Nous avons embarqué sur un bateau d'Adramite qui devait se diriger vers les ports de la province d'Asie, et nous sommes partis. Aristarque, un Macédonien de Thessalonique, était avec nous. Le lendemain, nous sommes arrivés à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller voir ses amis pour recevoir ce dont il avait besoin. Après être repartis de là, nous avons passé le long de la côte abritée de l'île de Chypre, car les vents soufflaient contre nous. Nous avons traversé la mer près de la Cilicie et de la Pamphylie, et nous sommes arrivés à Myra, en Lycie. Là, l'officier a trouvé un bateau d'Alexandrie qui se rendait en Italie, et il nous y a fait embarquer. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus devant la ville de Cnide. Comme le vent nous empêchait d'aller plus loin dans cette direction, nous avons passé par le cap Salmoné pour nous trouver du côté abrité de l'île de Crète. Nous avons avancé avec beaucoup de peine le long de la côte et sommes arrivés à un endroit appelé Bonport, près de la ville de Lazée. Nous avions perdu beaucoup de temps et il devenait dangereux de continuer à naviguer car le jour du jeûne d'automne était déjà passé. C'est pourquoi Paul leur donna cet avertissement. « Je vois, messieurs, que ce voyage sera dangereux. Le bateau et sa cargaison vont subir de graves dommages et, de plus, nous risquons nous-mêmes d'y perdre la vie. » Mais l'officier romain avait plus confiance dans l'opinion du capitaine et du propriétaire du bateau que dans les paroles de Paul. Le port n'était pas bon pour y passer l'hiver, c'est pourquoi la plupart des hommes à bord décidèrent de partir de là. Ils voulaient atteindre, si possible, Phénix, un port de Crète tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest, où l'on passerait l'hiver. Comme un léger vent du sud se mettait à souffler, ils pensèrent qu'ils pouvaient réaliser leur projet. Ils levèrent l'ancre et avancèrent en se tenant très près de la côte de Crète. Mais bientôt, un vent violent appelé nord-est descendit des montagnes de l'île. Le bateau fut entraîné. Il était impossible de le maintenir contre le vent, et nous avons dû nous laisser emporter. Nous avons passé au sud d'une petite île appelée Coda, qui nous abritait un peu. Nous avons réussi alors, avec beaucoup de peine, à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Ils l'ont remonté à bord, puis ils ont attaché des cordes de secours autour du bateau. Comme ils craignaient d'aller se jeter sur les bancs de sable des côtes de Libye, ils ont lâché l'ancre flottante et se sont laissés ainsi entraîner par le vent. La tempête continuait à nous secouer violemment, de sorte que le lendemain, ils se sont mis à jeter la cargaison à la mer, et le jour suivant, ils ont jeté de leurs propres mains l'équipement du bateau par-dessus bord. Pendant plusieurs jours, on n'a pu voir ni le soleil ni les étoiles, et la tempête restait toujours aussi forte. Nous avons finalement perdu tout espoir d'être sauvés. Ceux qui étaient à bord n'avaient rien mangé depuis longtemps. Alors Paul se tint debout devant eux et leur dit « Vous auriez dû m'écouter, messieurs, et ne pas quitter la Crète. Nous aurions ainsi évité ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Le bateau seul sera perdu. Cette nuit, en effet, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est approché de moi et m'a dit « N'aie pas peur, Paul. Il faut que tu te présentes devant l'empereur. Et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, messieurs, prenez courage, car j'ai confiance en Dieu. Il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons être jetés sur la côte du Nil. » C'était la 14e nuit, et la tempête nous emportait toujours sur la mer Méditerranée. Vers minuit, les matelots eurent l'impression que nous approchions d'une terre. Ils lancèrent une ligne à laquelle était attaché un poids, et trouvèrent que la profondeur de l'eau était de 37 mètres. Un peu plus loin, ils lancèrent de nouveau la ligne, et trouvèrent 28 mètres de profondeur. Ils craignaient que notre bateau ne heurte des rochers. C'est pourquoi ils jetèrent quatre ancres à l'arrière, et attendirent avec impatience la venue du jour. Les matelots cherchaient à s'échapper du navire. Ils firent descendre à l'eau le canot de sauvetage et prétendirent qu'ils allaient fixer des ancres à l'avant du bateau. Mais Paul dit à l'officier romain et aux soldats, « Si ces gens ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes qui retenaient le canot et le laissèrent aller. Un moment avant que le jour vienne, Paul les invita tous à prendre de la nourriture en disant « Voici aujourd'hui 14 jours que vous attendez et que vous restez sans rien manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car vous en avez besoin pour être sauvés. Aucun de vous ne perdra même un cheveu de sa tête. » Après avoir dit ces mots, Paul prit du pain et remercia Dieu devant tous, puis il le rompit et se mit à manger. Tous reprirent alors courage et mangèrent aussi. Nous étions sur le bateau 276 personnes en tout. Quand ils eurent assez mangé, ils jetèrent le blé à la mer pour alléger le bateau. Lorsque le jour parut, les matelots ne reconnurent pas la terre, mais ils aperçurent une baie avec une plage et décidèrent d'y faire si possible aborder le bateau. Ils détachèrent les ancres et les laissèrent dans la mer. Ils délièrent en même temps les cordes des rames qui servaient de gouvernail. Puis ils mirent une voile à l'avant du bateau pour que le vent le pousse et ils se dirigèrent vers la plage. Mais ils arrivèrent contre un banc de sable entre deux courants où le bateau resta pris. La partie avant du bateau était enfoncée dans le sable et ne pouvait bouger, tandis que la partie arrière était brisée par la violence des vagues. Les soldats voulaient tuer les prisonniers afin qu'aucun d'eux ne s'échappe en nageant. Mais l'officier romain qui désirait sauver Paul les empêcha d'exécuter leur projet. Il ordonna à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour aller à terre. Les autres devaient les suivre en se tenant à des planches ou à des débris du bateau. Et c'est ainsi que tous parvinrent à terre sains et saufs. Chapitre 28. Après avoir été sauvés, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous traitèrent avec une grande bienveillance. Comme la pluie s'était mise à tomber et qu'il faisait froid, ils allumèrent un grand feu autour duquel ils nous accueillirent tous. Paul ramassa un tas de branches pour le jeter dans le feu, mais un serpent en sortit à cause de la chaleur et s'accrocha à sa main. Quand les habitants de l'île virent le serpent suspendu à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres, « Cet homme est certainement un meurtrier, car la justice divine ne lui permet pas de vivre, bien qu'il ait échappé à la mer. » Mais Paul secoua le serpent dans le feu et ne ressentit aucun mal. Les autres s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir attendu longtemps et avoir vu qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'idée et se mirent à dire qu'il était un dieu. Près de cet endroit se trouvait la propriété du principal personnage de l'île, qui s'appelait Publius. Celui-ci nous reçut aimablement et nous logea pendant 3 jours. Le père de Publius était au lit parce qu'il avait de la fièvre et de la dysenterie. Paul alla le voir, pria, posa les mains sur lui et le guérit. Après cela, les autres malades de l'île vinrent aussi et furent guéris. Ils nous montrèrent toutes sortes de marques de respect, et au moment où nous embarquions, ils nous fournirent tout ce qui était nécessaire pour notre voyage. Au bout de 3 mois, nous sommes partis sur un bateau d'Alexandrie appelé les Dieux Jumeaux, qui avait passé l'hiver dans l'île. Nous sommes arrivés à la ville de Syracuse, où nous sommes restés 3 jours. De là, nous avons suivi la côte pour atteindre Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est mis à souffler, et nous sommes parvenus en 2 jours à Pouzol. Dans cette ville, nous avons trouvé des frères qui nous demandèrent de passer une semaine avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. Les frères de Rome avaient reçu des nouvelles à notre sujet et vinrent jusqu'au marché d'Appius et à 3 auberges pour nous rencontrer. Dès que Paul les vit, il remercia Dieu et prit courage. Quand nous sommes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer à part avec un soldat qui le gardait. 3 jours plus tard, Paul invita chez lui les chefs des Juifs de Rome. Quand ils furent réunis, il leur dit « Frères, quoique je n'ai rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes de nos ancêtres, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux Romains. Ceux-ci m'ont interrogé et voulaient me relâcher, car ils n'avaient trouvé en moi aucune raison de me condamner à mort. Mais les Juifs s'y sont opposés, et j'ai alors été obligé d'en appeler à l'empereur, sans avoir pourtant d'accusation à porter contre ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car je porte cette chaîne à cause de celui qu'espère le peuple d'Israël. » Ils lui dirent, « Nous n'avons reçu aucune lettre de Judée à ton sujet, et aucun de nos frères n'est venu de là-bas pour nous faire un rapport ou nous dire du mal de toi. Mais nous voudrions bien t'entendre exprimer ce que tu penses, car nous savons que partout on s'oppose à ce parti auquel tu te rattaches. » Ils fixèrent un jour avec Paul, et ils vinrent ce jour-là en plus grand nombre le trouver à l'endroit où il logeait. Depuis le matin jusqu'au soir, Paul leur donna des explications. Il leur annonçait le royaume de Dieu et cherchait à les convaincre au sujet de Jésus en se référant à la loi de Moïse et au livre des prophètes. Les uns furent convaincus par ce qu'il disait, mais les autres refusaient de croire. Comme ils s'en allaient sans pouvoir se mettre d'accord entre eux, Paul leur dit simplement ceci. Le Saint-Esprit avait bien raison lorsqu'il s'adressait à vos ancêtres par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Il déclarait en effet, « Va vers ce peuple et dis-lui, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Car l'esprit de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, afin que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur esprit ne comprenne pas, et qu'ils ne se tournent pas vers moi pour que je les guérisse, dit Dieu. » Sachez donc, ajouta Paul, que le message du salut de Dieu a été envoyé à ceux qui ne sont pas juifs. Ils l'écouteront, eux. Quand Paul lui dit ces mots, les Juifs s'en allèrent en discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et librement.